بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية في اليمن. على plaisir de vous présenter. On commence aujourd'hui ces دروس إن شاء الله في آداب المعلمين والمتعلمين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه. Par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi, hafizahullah ta'ala, cours numéro 1. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina, man yahdihillahu falamudilla lah, wa man yudlil falahadiya lah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasooluh, sallallahu alayhi, وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنحمد الله جل وعلا على نعمه وعلى البدء بهذه الدروس التي نسأل الله عز وجل أن ينفع بها. On commence aujourd'hui ces دروس إن شاء الله في آداب المعلمين والمتعلمين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه. ces دروس كما لا يخفى عليكم c'est une نعمة من نعم الله عز وجل. فon doit faire des efforts, bien sûr on doit préserver cette نعمة, on doit reconnaître cette نعمة كما قال عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث. فالعلم كما تعلمون نعمة عظيمة. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الإنسان au début de sa vie quand il naît لا يعلم شيء. حكمة الله سبحانه وتعالى. Et tout le monde doit faire des efforts. Les savants de la sunna al-an, que tu connais, que tu as peut-être rencontré, au départ ils étaient comme toi. La ya'lamoun. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Lakin, Allah subhanahu wa ta'ala amarana bi talab al-ilm. Il nous a créé et on n'avait pas de connaissance au départ. Thumma الله سبحانه وتعالى أمر العباد بطلب العلم قال جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله أمر بطلب العلم فاعلم ça vient de العلم أي c'est un ordre que tu apprennes هذا العلم خاصة علم توحيد الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم أي apprendre العلم c'est une obligation pour chaque مسلم وكذلك طالب العلم لا بد أن يجتهد في فعل الأسباب لأنك tu sais أن هذا العلم c'est une obligation pour chaque مسلم خاصة علم التوحيد les choses qu'il a besoin pour adorer Allah comme la salat ou la zakat s'il a de l'argent le hajj s'il veut faire le hajj هذه الأمور واجبة على المسلم et chacun selon sa situation est-ce que c'est obligatoire pour lui ام لا لكن علم التوحيد هذا c'est واجب على الجميع خاصة les fondements فهذا العلم tu dois faire des efforts لكن il y a des أسباب. Il y a des causes pour te faciliter l'arrivée. À ce but, avoir des connaissances. Pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala ala ilmin wa basira. Fa asbabun tu'inuk ala tahsil al-ilm al-shara'i. Et ça c'est important. Ne pas se lancer dans une chose sans connaître la méthode. Sans connaître comment faire. Ça c'est min aham ma yakoun. في أمور الدنيا كما تعلمون que ce soit les entreprises ou autres ils ont des projets avant de faire une chose ils ont des recettes et ils ont une étude comment faire cette chose ils ont des écrits ils ont des exposés ثم ils font des tests ثم ils se lancent dans la production ou autre Enfin, ils ne se lancent pas comme ça. Là, hatta leur produit, il est apte, il est adapté. Thumma, il est reconnu, il se vend. Fad'il, c'est a'zam min dhalik. Robama, ils font des études pour une chose tafiha, qui a, cette chose, elle n'a aucune utilité. Et si elle a une utilité, c'est une utilité dunyawiya, fi dunya. Amma anta, hadh al-ilm, c'est la cause pour que tu sois heureux fi dunya ou al-akhirah. قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما أي celui qui emprunte un chemin pour apprendre العلم أي الشرعي علم القرآن والسنة سهل الله له به طريقا إلى الجنة الله lui facilite un chemin pour الجنة فس من أسباب من أعظم أسباب دخول الجنة العلم والعمل به يقول الله سبحانه وتعالى فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين هذا سبب عظيم سبب عظيم أي الرحلة se déplacer chercher ce علم faire des efforts لأن العلم il viendra pas à toi لابد que tu fasses des sacrifices لابد que tu fasses des concessions لابد que tu fasses des efforts parmi ces efforts c'est que tu te déplaces. Tu te déplaces, tu sais que dans tel endroit il y a du ilm et il y a une personne de confiance, et tu fais des efforts et tu te déplaces et t'estafid, inshallah. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٍ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ. Ça c'est كلام الله, كلام الله جل وعلا. نعم. ومن أعظم أو من أعظم الأسباب كما تقدم. Donc c'est d'avoir une méthodologie. Savoir comment faire, par où commencer, comment je prends des notes, qu'est-ce que je prends comme note, est-ce que j'apprends par cœur ce livre, est-ce que j'apprends pas, comment je révise. On avait expliqué, quand on était à Dar al-Hadith, Bidammaj, on avait fait des cours et on les a propagés sur la méthodologie. On avait fait des cours sur les obstacles. Ça, c'est muhim. Et nous, on se répète volontairement. Tu fais un cours. Tu l'as écouté il y a quelques mois, il y a quelques temps, un cours d'une heure. Alors, ben, si ce cours lui-même, tu ne le révises pas, tu ne le réécoutes pas, et tu n'as pas compris le sens exact, alors, ben, tu oublies. Et alors, ben, tu refais des erreurs. Et alors, ben, tu repères ton temps. Et tu tournes en rond. C'est pour ça que tu vois certains de nos frères, ils sont motivés, et ils ont une bonne niya. Et ça fait des années, ils essayent d'avancer, et ils n'avancent pas beaucoup. Ils tournent toujours autour du même livre, autour du même niveau. Ils n'arrivent pas à accéder, à arriver à une étape plus élevée. C'est pour ça qu'on a choisi ce livre. Avant de commencer les durus qu'on va faire ensemble, Inch'Allah ta'ala, que ce soit dans le tawhid, dans l'aqidah, dans le fiqh, on essaiera de varier. Ces cours, avant de les commencer, c'est primordial de connaître at-tariq. Comment faire ? Amma les cours, comme on l'a déjà cité, les cours, tu vas en faire, bi'idnillah. Maintenant, prends l'exemple. Sur Internet, il y a des millions de cours, de différents savants, différentes matières. Malgré ce ilm, gazir, très important, akthar al-nas ne profite pas. On parle de ceux qui écoutent. Ah, mais ceux qui n'écoutent pas, c'est clair. Ceux qui écoutent, s'ils n'ont pas la méthodologie, il n'y a aucun doute qu'ils ne profiteront pas. Peut-être qu'il va commencer, il ne va pas finir. Peut-être qu'il va écouter un cours, il n'est pas adapté à son niveau. Peut-être qu'il va prendre ce cours et il ne va pas le réviser. Et il va le faire. Thomas, il ne va pas réviser. Thomas, un mois, deux mois, six mois, c'est comme s'il n'avait jamais fait ce cours. C'est pour ça que ces causes qu'on cite, elles sont très importantes. Prendre des cours vers une personne de confiance, c'est min ahamma yakoun. Se déplacer, c'est muhim. Al-rihla, se déplacer, il y a une baraka azima pour talib al-ilm. Kadhalik, t'es motivé, tu t'es déplacé, la méthode, comment faire? Et sache, akhil karim, que tout ce qu'on vient de citer, ça te sera utile avec une bonne niya, comme on va voir dans le livre, le premier chapitre, et kadhalik avec as-sabr, la patience. Si tu patientes pas, ala hada al-tariq, tu feras des efforts, tu auras probablement une bonne intention, lakin, si tu ne patientes pas, ça s'arrêtera. C'est pour ça que, talibul ilm, il faut qu'il s'arme de patience. At-tariq, il est simple et il est facile pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala, il lui facilite. Et sache que tu seras éprouvé à la hada at-tariq. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله قوما ابتلاهم si Allah l'aime un قوم un peuple une personne il l'éprouve et Allah subhanahu wa ta'ala il aime العلم الشرعي Allah subhanahu wa ta'ala il aime ceux qui font des efforts في هذا العلم donc Allah subhanahu wa ta'ala il éprouvera ce طالب علم قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل les personnes qui sont le plus éprouvées c'est ceux qui ont le plus de ilm الأنبياء والرسل ثم ceux qui les suivent dans l'ilm والإيمان les compagnons أئمة السنة etc chacun par rapport à son ilm et à son إيمان الإمام ابن القيم رحمة الله عليه يقول كما في أو في كتابه النافع الشفاء العلي un livre عظيم في القدر قال قد استقرت حكمته سبحانه استقرت حكمته أي parmi la sagesse de Allah subhanahu wa ta'ala أن السعادة والنعيم والراحة لا يوصل إليها إلا على جسر المشقة والتعب si tu veux arriver à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu veux arriver à l'Jannah et c'est ça notre but à tous c'est qu'Allah soit satisfait de nous et de rentrer à l'Jannah Allah subhanahu wa ta'ala min fadli. Si tu veux cet objectif, tu es obligé de traverser, de passer par al-jisr. Al-jisr, al-jisr c'est un pont. Et ça c'est un mythal azim qui donne Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi, li anna même notre aqida, on a cette croyance, anna on traversera as-sirat. On traversera as-sirat. Wa sallallahu subhanahu wa ta'ala an yukrimana bi dukhul al-jannah. Ibn Qayyim dit « La yusil ilayha » et il ne t'arrivera pas. On fait un tambih par rapport aux notes. Il y en a, la haqiqa, on aurait dû commencer par ça. Les notes, et là je vois que le stylo d'Ibrahim, il y a des étincelles. Les notes, prenez pas tout. Parlez-vous l'ilm et on verra ça. Là, on vous dit là, on vous le dit au début, « Hatta vous ne perdez pas votre temps. » Les notes, ça viendra tout ça. L'essentiel dans le temps, c'est d'écouter. Et ça, ça viendra avec vous. Il y en a le livre déjà. C'est pour ça que nous, souvent, on fait des livres des grands imams. Hatta, c'est un support. Tu n'as pas besoin de tout noter. Maintenant, on va voir chapitre l'ikhlas, chapitre le comportement. Tu n'as pas besoin de noter. Tu notes quand il y a un tambih muhim. Maintenant, je lis un hadith et je vous dis ce hadith, Cheikh Al-Albani l'a rendu da'if. Dans As-Sahiha, numéro 2300, maintenant. Tu notes, Cheikh Al-Albani l'a rendu da'if dans As-Sahiha 2300. C'est ça des notes. Elle m'a tout noté ce que le professeur il dit là. Il y en a secours. Ou alors si tu veux le réécouter, il est enregistré, Inch'Allah. Tu le prends et tu réécoutes. L'essentiel, c'est de retenir les règles qu'on va citer. Maintenant, on va citer l'intention. Comment tu fais pour avoir une intention, une bonne intention? Si ce n'est pas écrit, tu le notes. Tu notes aussi les références. Maintenant, on cite une parole d'Ibn al-Qayyim dans la patience, comme on lit Al-A. Si cette parole elle t'intéresse, tu veux approfondir, tu peux noter Ibn al-Qayyim dans le livre Shifa al-Alim. C'est ça des notes, ya Jama'a. Tu notes pas tout. Tu notes pas tout. Là, t'écoutes. Là, lorsqu'on cite les paroles des savants, les exemples, c'est une introduction pour te montrer l'importance du ilm et il faut des causes. C'est ça que tu dois retenir, Alta. Elle m'a tout noté là, ça serait trop long. Et ça, c'est normal au départ. Talib, il est motivé, il sait pas. Lakin, les notes, c'est muhim. Lakin, ni trop, ni pas assez. Le juste milieu. Tu notes ce qu'il faut. Une correction, une faïda importante, une référence. Ça, tu notes. Et maintenant, on conseille toujours les frères dans les cours, ils écoutent, et si tu as un ishkal, une chose qui t'a posé problème, t'as pas compris, ou tu veux noter une référence, et j'ai parlé trop vite, t'as pas pu l'écrire, dans un coin de ton cahier, tu notes. Tu mets matalan, à la fin du cours, demande telle chose. C'est tout. Et à la fin du cours, tu peux prendre du temps. Hatta, tu écoutes. Les anakas, t'es pas seul dans le cours. On peut pas s'arrêter pour chaque frère. On lit et on explique. Et à la fin, Inch'Allah, si t'as des choses, tu demandes. Ahsan. Et si t'as une note à prendre, si elle est longue, tu demandes à la fin. Hatta, on te dicte, on te passe le livre. Hala, tayyib. Inch'Allah, là-Allah, si Cheikh Sa'di, rahmatullah alayhi, il a cité Bab al-Kitaba, ou Qayd al-Fawa'id, Inch'Allah, on détaillera akthar. وإلا سايت ديتاي دون لي ليفر دون لي دروس اقصد المنهجيه وانا avait fait un bab dans prendre des notes c'est مهم فالان écoutez افضل écouter. L'essentiel, c'est de comprendre. T'as une compréhension globale, un mal et détail, inshallah, ça viendra à force. On revient à la parole d'Ibn al-Qayyim. Qala, rahmatullah alayhi. فاستقرت حكمته سبحانه أن السعادة والنعيم والراحة لا يوصل إليها إلا على جسر المشقة والتعب. T'arrivera, inshallah, ce but, al-Jannah, l'agrément d'Allah, rida Allah subhanahu wa ta'ala, qu'en traversant ce pont de al-mashaqqa wa ta'ab, les difficultés, la fatigue, les épreuves. C'est obligé. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره. الجنة elle est entourée de makarih. Makarih, c'est des choses difficiles, des épreuves, des maladies, la pauvreté, les épreuves qui ont touché nos prophètes, الرسل والأنبياء, الصحابة رضي الله عنهم, الأئمة, الصالحون. قال ولا يدخل إليها إلا من باب المكاره والصبر. T'es obligé de patienter si tu veux rentrer. Tu veux rentrer dans le Jannah? Tu veux arriver à un objectif fil ilm? Tu veux que Allah soit satisfait de toi? T'es obligé d'avoir cette clé, la patience. قَالَ وَتَحَمُّلْ أَلْمَشَاقِ تَحَمُّلْ. Tu dois patienter et faire face à ces épreuves. S'il y a la pauvreté, اسْبُرْ أَخِي. Aujourd'hui t'es pauvre, demain Allah subhanahu wa ta'ala يُغْنِيكَ مِنْ فَضْلِهِ. Aujourd'hui tu es malade, ça arrive souvent en fait, talabat al-ilm, au départ. Ils sont malades, khasatan ceux qui voyagent, qui changent de pays. Aujourd'hui tu es malade, une semaine, un mois, un an, tu vas être touché par des maladies. Il y en a l'environnement il a changé, le climat il a changé. Ça passera. Amma, pauvreté au départ, ou maladie au départ, et tu fais demi-tour, tu n'arriveras pas à avancer. Léanna, c'est Hikmatullah, comme il a dit Ibn al-Qayyim. La sagesse d'Allah, elle a si t'empruntes un chemin de khayr, sur la route, il y a des obstacles. Traverse ces obstacles. La solution, ce n'est pas de faire marche arrière. Abadan. Ba'dannas, maintenant, il va dans un pays pour tlab l'ilm. Il est éprouvé. Il pense, il fait demi-tour, je vais aller dans tel autre pays. Il pense que c'est ça la solution. Tu iras dans l'autre, tu seras éprouvé. Si tu arrives à arriver à ce pays, tu es obligé de patienter. Et avec le temps, inshallah, tu progresseras. Et tu seras à la khayr. قال ابن القيم قال وتحمل المشاق ولذلك حف الجنة بالمكاره والنار بالشهوات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الجنة elle est entourée de makarih, pauvreté, les épreuves, les maladies, etc. الجنة c'est le contraire, elle est entourée de shahawat, fitna al-nisa, fitna al-dunya, fitna al-mal, etc. حب الرئاسة. Tout ça, c'est, ça entoure al-nar. Celui qui touche cette chose ou qui rentre dans cette chose, il peut rentrer fil nar. Wal-iyadu billah. Enfin, c'est important, anta, au départ, que tu connaisses ces choses. C'est muhim jittan. Et talib al-ilm, il ne doit pas écouter ou se rabaisser ou faiblir face à Iblis. Alayhi la'natullah. Il y en a Iblis, il te fera peur. Il va essayer de te faire croire que tu vas devenir pauvre, que tu peux tomber malade gravement, qu'il peut t'arriver telle chose, etc. Les Annaka t'a pris un chemin de khayr et il sait très bien, adou Allah, que si tu patientes, t'arriveras à une chose qu'il n'a pas réussi, lui, la satisfaction d'Allah Jalla wa Ala. Wa qala kadhalik al-imam al-qayyim fi miftah dar al-sa'ada id al-masalih wal-khayrat wal-ladhat wal-kamalat kullaha la tunal illa bihadhin min al-mashaqqa. Le bonheur, la réussite, la satisfaction d'Allah, al-Jannah, etc. T'es obligé de, si tu veux ces choses, d'être touché par al-mashaqqa, et les épreuves, des choses difficiles. قال ولا يعبر إليها إلا على جسر من التعب. La même kalima qu'on a cité précédemment. قال وقد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم. Tout le monde est unanime, et ceux qui ont la raison, que tu ne peux pas avoir un na'im, et la récompense, ou une chose de bien, une chose de facile, avec une chose de facile, avec une récompense. Hein, peut-être. Tu veux une chose de bien, comme le jannah, la récompense, tu es obligé de passer par les épreuves. C'est comme ça. Ceux qui font aucun effort, wa yu'ridun, wa yakfurun, wa yushrikun, ils font aucun effort, ce n'est pas des muslimines, al-kafara, Il ne peut pas aller fil Jannah. Hikmatullah. Il n'a fait aucun effort, il va fil Nar. Celui qui fait des efforts, il est le muslimin et il meurt à la tawhid. Fa inshallah, il est min ahli al-Jannah. وقال شيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه في لقاء الباب المفتوح العلم التام لا ينال براحه الجسم اساسا السلام parole de يحيى ابن ابي كثير رحمه الله عليه الا rapporté à l'imam مسلم انه قال لا ينال العلم براحه الجسد ومن الفوائد ان الامام يحيى ابن ابي كثير si je me rappelle bien رحمه الله عليه il a cité ce athar ou cette parole, t'arriveras pas à acquérir du ilm en te reposant. Ça c'est une règle, c'est fondamental. Par le ilm, il doit bien le comprendre. Tu veux arriver à un niveau fil ilm, ça ne sera pas avec le repos. Tu es obligé de faire des efforts. Al-Imam Yahya, rahmatullah alayhi, il a cité cette kalima, comme il a rapporté l'imam muslim, après avoir cité plein de hadiths à l'imam muslim, il a cité ce athar. لماذا؟ لأن il a cité plein de hadith dans son sahih فربما il a ressenti de la fatigue رحمة الله عليه l'imam muslim فإلى cité le athar de l'imam Yahya alors qu'il n'a rien à voir avec le chapitre dans lequel il était l'imam muslim لكن il a cité pour montrer أنه العلم si tu veux arriver c'est pas avec le repos قال الشيخ ابن عثيمين فلا بد من تعب صحيح لا بد que tu sois fatigué physiquement moralement que tu délaisses cette dunya, rubbama la pauvreté, elle va te fatiguer, rubbama la maladie. Lakin, i'lam, anna hada tariq, c'est tariq al-anbiya, ou al-rusul. Aïe, tu fais des sacrifices pour ton dit. Qala, lakin, idha qara'ta tariq bin nisba lil ulama al-kibar, arafta annahum yat'abuna ta'ban aziman. Sahih. Si tu lis la biographie des salaf, وقبل ذلك la biographie des sahaba قبل ذلك la biographie de notre prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم ستتعجب les épreuves qu'ils ont eues et comment ils ont fait face à ces épreuves le niveau qu'ils ont atteint في العلم وفي التقى والصلاح ne crois pas que c'est هكذا là ils ont fait des efforts ils ont eu des épreuves لكن العاقبة للمتقين تأمل cette قصه on cite un ou deux exemples parmi les salaf pour te montrer leur patience في العلم et inshallah tu vas comprendre mieux pourquoi c'est devenu des références في العلم والصلاح والإيمان الإمام عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي رحمة الله عليه صاحب الجرح والتعديل le fils de أبو حاتم الرازي le grand imam قال كنا في مصر ils étaient en Égypte سبعة أشهر sept mois أي il a voyagé pour طلب العلم لم نأكل فيها مرقة المرق تعلمون c'est quoi المرق c'est quelque chose d'aujourd'hui ربما كثير من الناس c'est même pas il en mange plus c'est, il connaît pas c'est quoi المرق c'est l'eau qui ressort من اللحم l'eau maintenant tu fais bouillir de la viande il y a de l'eau qui sort هذا المرق et ils ont buvé 7 mois ils n'ont pas vu al-marq ils n'en ont pas mangé ils n'ont pas vu 7 mois et les sacrifices fil ilm qala kullu naharina muqassam li majalis ash-shuyukh bil-layl an-nasakh wa bil-layl an-nasakh wa al-muqabala la journée toute la journée ad-durus wa al-hifz au masjid avec le mashayikh et la nuit c'est les révisions et ils recopient les cours muqabala et ils vérifient لأن هؤلاء يزتدي الحديث رحمهم الله قال فأتينا يوما أنا ورفيق لي شيخا فقالوا هو علي أي مرة ils sont partis pour aller au درس et le شيخ il était malade قال فرأينا في طريقنا سمكة أعجبتنا فاشتريناها هذا c'est après une longue période un jour قدر الله le شيخ il est malade donc ils n'ont pas eu cours donc ils ont eu une courte durée il n'y a pas de درس Sur leur chemin, ils trouvent une personne qui vend du poisson. Vu que ça fait longtemps, ils n'ont pas mangé du poisson, ils ont voulu en acheter. Et ça, c'est normal pour Talib al-Ilm. Mais nous, ce qu'on cite, ça ne veut pas dire que tu dois ne pas manger, ne pas te faire plaisir. Peut-être. Lakin, dépasser les limites. dans les choses de dunya et ça t'écarte du ilm, ça te fera du mal. Ah ben si Allah il a qadr que tu as de l'argent et tu peux bien manger, tu peux bien t'habiller, fa ni'ma dhak. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah il aime le jamal, que tu t'habilles bien, que tu prennes, prennes soin de toi. Lakin qadr Allah, tu fais des efforts dans l'ilm et tu as des choses, tu es restreint. Ne délaisse pas l'ilm pour des futilités de dunya. C'est ça le ma'na. Ne pas comprendre, il ne faut plus manger. Là, si tu as de l'argent, et tu peux, mange. Belle, c'est une cause, inshallah, si tu te mets bien, c'est une cause pour que tu avances et tu tombes moins malade, etc. C'est ça, c'est فرأينا في طريقنا السمكة أعجبتنا فاشتريناها فلما صرنا إلى البيت حضر وقت مجلس قال فلما صرنا إلى البيت حضر وقت مجلس. Quand ils sont arrivés chez eux, ils ont acheté le poisson sur la route, ils sont arrivés chez eux, ça a pris du temps, c'était l'heure du deuxième dars, donc ils n'ont pas pu manger ce poisson. قال فلم يمكننا إصلاح هذه السمكة. Ils n'ont pas pu préparer le poisson et le manger. Qala wa madayna ila al majlis. Ils sont repartis au majlis pour ad-dars. Qala falam nazal hatta ata ala samaka thalathat ayyam. 3 jours, ils n'ont pas pu manger le poisson. Ça fait 3 jours qu'il attend. 3 jours. Ça montre hirs haoula. Ta'lamouna la pour manger un poisson le préparer, c'est une histoire de 15 minutes. Haoula, tellement qu'ils sont concentrés sur l'ilm, ils ont fait des efforts, ils n'ont plus le temps fihala. Tu comprends elle, pourquoi ils ont avancé. C'est un être humain comme toi. Il est né comme toi. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Al-Imam Abdurrahman ibn Abi Hatim, il est comme toi, il est concerné, il est né, c'est un enfant, il ne connaissait rien. Lakin, tous ses efforts, ils ont atteint ce niveau. Plus tu fais des efforts, inshallah, khasatan avec une bonne intention, plus tu, inshallah, t'espères atteindre ce niveau fil ilm. Qala فلم نزل حتى أتى على السمكة ثلاثة أيام وكادت أن تتغير. Le poisson il a failli pourrir tellement qu'ils ont attendu. À cette époque il n'y avait pas de frigo, etc. 3 jours حتى ils ont failli la jeter. قال فأكلناها نيئة. Ils l'ont mangé, elle a failli être, ne plus être mangeable. قال لم يكن لنا فراغ أن نشوي السمك. Pourquoi l'imam il répond, rahmatullah alayhi, on n'avait pas le temps de faire cuire ce samak. Pas le temps, ils sont trop pris par l'ilm. Qala ou ila akhir. Naktafi biha. Ou il a cité après, inna l'ilma la yustata bi rahat al-jism. Thumma l'imam il a cité cette parole. Haoula fil haqiqa, ils ont mis la barre très très haute. Et là, nous, on vit dans une époque où on a des faiblesses. L'environnement il n'est pas adapté pour l'ilm, il y a beaucoup de fitans. Lakin al-insan il prend Haoula comme exemple. Peut-être que tu n'arriveras pas. Et tu n'arriveras pas par Obama à faire les sacrifices qu'ils ont fait. Lakin au moins c'est tes exemples et tu fais des efforts. Et Inch'Allah ça te motivera. Et si tu as des faiblesses, tu refais des efforts. Amma, ne pas prendre cela comme exemple et prendre al-fara et prendre al-du'afa fil ilm, ça ne te permettra pas d'avancer. Abadan. كذلك الحافظ أبو الفضل محمد بن الطاهر المقدسي رحمة الله عليه يقول عن نفسه يدي en parlant de lui بلت الدم في طلب الحديث مرتين. Il a uriné du sang quand il recherchait la science deux fois. Ça montre une mashaqa azima. Uriner du sang, c'est que ton gisme il a été affecté, il a été touché. قال مرة ببغداد ومرة بمكة. Ça montre qu'il faisait des efforts pour voyager, pour chercher l'ilm. L'ilm, il était à Bagdad à l'époque. À Bagdad, en Irak. Il est parti. À Mecca, il est parti. Rahimahullah. قال كنت أمشي حافيا في الحر فلحقني ذلك. Il marchait pieds nus au soleil. Tellement que c'était difficile, il a uriné du sang, rahmatullah alayhi. قال وما ركبت الدابة القط في طلب الحديث. Il n'avait pas les moyens, rahmatullah alayhi. Tous ces voyages, c'est des centaines, des milliers de kilomètres. Tout ça, c'est à pied. Pas les moyens d'avoir une monture. Lakin, les efforts. قال وكنت احمل كتبي على ظهري لان طالب العلم il a besoin de ses livres. Il a besoin de cahiers, il a besoin. Rahmatullah alayhi, tout ça c'est sur son dos et il se déplace à pied. Mecca, Bagdad, etc. Rahmatullah alayhi. Haoula, ils ont sacrifié leur vie pour din, fa Allah subhanahu wa ta'ala il les a élevés. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Iman, c'est ça qui les a poussés à faire sacrifice, et l'ilm. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a élevés, c'est devenu des références. Et Ibn Qayyim كذلك يقول في مفتاح دار السعادة وأما سعادة العلم فلا يورثك إياها إلا بدل الوسع. Si tu veux arriver à profiter في العلم, قال إلا بدل الوسع. Tu fais des efforts. والصدق الطلب. T'es véridique. Tu fais pas ça pour les gens. Tu fais pas ça pour te montrer. Tu fais pas ça pour avoir un diplôme, pour devenir un imam, pour tout ça, ça te pousse à gagner de l'argent. Tu fais ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu fais ça parce que c'est tariq al-jannah. Tu fais ça pour enlever al-jahl al-nafsik et pour aider les autres, tes frères al-muslimin, qui sont fils jahl wa daya, et toi tu leur montres. Tu fais ça pour devenir un miftah lil-khayr, une clé de, du bien, pour montrer aux autres le bien. قال ابن القيم رحمة الله عليه والصدق الطلب والصحة النية. Avoir une bonne niya. Et c'est le cours, le prochain cours qu'on fera inshallah ta'ala. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. مع تحية دماج افاق.com